de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que la guerre des talents? Quelles questions et paradoxes peut poser la notion de talent qui a envahi la société depuis 20 ans? Pourquoi la définition du talent demeure-t-elle un casse-tête productif, demande le sociologue Pierre-Michel Minguère. Comment, au-delà du modèle artistique et scientifique, le marché des talents s'est-il développé à l'échelle mondiale et quelles en sont les conséquences sur le monde du travail? Quelle est la stratégie de la Chine qui est entrée dans la course internationale à l'innovation et au talent? Pierre-Michel Minguère, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, nous entraîne sur plusieurs semaines dans une grande et passionnante enquête dans le cadre de la série de cours initiée en 2017 sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Éléments de physique sociale des différences et des inégalités ». Dans son cours d'ouverture l'année passée, Pierre-Michel Minguère notait, et je le cite à nouveau, « Nous sommes entrés dans une économie de la connaissance où le capital humain est plus précieux que le capital matériel. C'est dans cette mutation que se déploie le succès de la notion du talent. » Le sociologue, passé par la philosophie et Normale Sup, qui a dirigé au CNRS un groupement de recherche consacré à l'analyse comparée de la valeur artistique en sociologie et en économie entre 1988 et 1995, nous introduit ce matin et demain aux enjeux et aux débats qui entourent la notion du talent et son usage, des premières interrogations sur l'interprétation de la parabole des talents dans la Bible aux success stories du monde managérial, les fameuses légendes de talent dans le monde des nouvelles technologies. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 2 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Minguère, « Qu'est-ce que le talent ? Aujourd'hui, introduction ». En poursuivant ce cours pour cette seconde année, je ferai évidemment référence à des questions que j'ai déjà abordées l'an dernier, mais j'avais mentionné à plusieurs reprises, mais sans le creuser complètement, le problème assez irritant de l'indéfinissabilité du talent. Et mon introduction aujourd'hui va être consacrée à élucider cette question-là, j'espère de manière assez radicale. Le talent, le vocabulaire du talent circule partout. Le transfert de Neymar pour 220 millions d'euros en 2017 a été justifié par certains. Je cite ici un article de The Independent d'août 2017, a été considéré par certains non pas comme un scandale, mais comme une excellente affaire, parce que la valeur de ce joueur brésilien dans le sommet de sa, enfin dans the prime of his career, at the top of his game, donc il est dans la fleur de sa carrière et au sommet de son art, au fond, c'est une affaire qui mérite bien ce prix. Et c'est même un style, comme on dit, c'est-à-dire une affaire extraordinaire et pas du tout un hold-up pour la valeur de ce joueur et sa valeur commerciale, c'est-à-dire les produits qu'on peut en tirer. Et donc, on peut évidemment remarquer tranquillement, comme le ferait le sens commun, qu'il est difficile de supposer que Neymar soit 220 fois meilleur qu'un joueur dont un club se serait assuré le recrutement pour 1 million d'euros. Mais les marchés mondialisés, et le football en est un typiquement, agissent exactement comme des leviers surpuissants pour augmenter le prix et le rendement du talent, c'est-à-dire la monétarisation de l'écart de réputation et de qualité perçu par un public de consommateurs qui, dans le cas du football, est effectivement potentiellement illimité, ou du moins seulement limité par la taille de la population mondiale. À la même époque que ce transfert de Neymar, qui reste une bonne affaire tant qu'il est capable de jouer, ce qui est quand même un souci, mais je pense que les assurances se seront occupées de tout ça, à la même POC que le transfert de Neymar, la SNCF placardait donc en août 2017 ou pendant l'été 2017 dans toutes ses gares une affiche pour recruter 220 talents ou 200 pardon talents en CDI. Je ne sais pas si c'était avec ou sans statut et essentiellement des techniciens et des ingénieurs. Et sans doute pouvaient figurer ou pourraient figurer parmi eux ces recrutés des admirateurs du talent de Neymar, mais peut-être moins de sa feuille de paie. Au tarif du transfert de Neymar, on aurait pu embaucher 4500 talents SNCF pour l'année. Le management des talents fait fureur dans les entreprises et dans les sociétés de conseil aux entreprises. À l'évidence, on ne semble pas parler de la même chose, comme je viens de le montrer, au-delà d'une définition minimale et vague. Cette définition vague, c'est la capacité à réaliser d'excellentes choses dans son domaine, sans mettre de limite à l'excellence ou d'appréciation particulière à l'excellence, ou c'est l'aptitude qui procure un avantage pourvu qu'on développe cette aptitude. Dans certains métiers, cette capacité peut valoir de l'or, alors que dans d'autres, on attend juste de vous que vous ayez des compétences et de la motivation. Ironie de l'histoire, pour un terme qu'on a tant de mal à définir, je le rappelle, le mot « talent » vient étymologiquement d'une unité de mesure de poids dans la Grèce ancienne qui est devenue ensuite une unité monétaire. Et c'est ce sens qu'on trouve dans la célèbre parabole des talents de l'Évangile selon Matthieu. Je vous en redonne ici le texte parce que c'est un texte fondateur à certains égards et qu'on y revient et de plus en plus aujourd'hui quand on veut savoir exactement mais de quoi on parle avec ce talent. Et il a donné lieu par ailleurs à un célèbre commentaire de Robert Merton, un des grands sociologues américains du XXe siècle, qui a fondé son modèle, son célèbre paradigme de l'effet Matthieu d'après le nom de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Est littéralement fondée sur cette parabole des talents. Et le texte est ici, je ne vais pas le lire à nouveau, mais l'histoire est connue, un maître réunit ses serviteurs, trois, leur dit « je m'en vais, je vous confie une somme à chacun, 10 talents à l'un, 5 à l'autre et 1 au dernier, et je vous charge d'en faire le meilleur usage avant que je revienne. » Et quand il revient, le premier a multiplié sa somme par deux, le deuxième aussi, mais le troisième rend exactement la même somme. Voilà le sujet, et je vous donne la totalité du texte ici. Et la question qui a été posée, on a hésité, évidemment, dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, on a hésité sur le sens figuré du mot « talent » qui commençait à circuler. Est-ce que c'est un don octroyé par une puissance supérieure ? Est-ce que c'est une grâce ? Est-ce que c'est une aptitude qui ne vaut rien sans la volonté persévérante et vertueuse de celui qui doit la cultiver? Ces questions ont été débattues pendant des siècles. J'ai eu l'occasion d'explorer ces débats l'année dernière. Et la fameuse formule qui est en quelque sorte l'équation par excellence de la méritocratie, c'est-à-dire mérite égale talent plus effort, qui nous vient du XVIIIe siècle, en est directement sortie. Mais évidemment, toutes les interprétations théologiques aussi. Robert Merton, comme je l'ai dit, en a tiré de cette parabole son modèle de l'avantage cumulatif qui se fonde sur la différence de traitement des trois serviteurs. Les mieux dotés obtiendront encore plus, les plus mal dotés seront disqualifiés ou verront réduites à néant leurs chances de réussir ou de mener une bonne vie. Alors la question est-ce que l'argument de Merton est assez précis? L'interprétation théologique habituelle dit ceci. Le disciple, le chrétien en l'occurrence, est celui qui a reçu la tâche d'augmenter les dons diversifiés que lui a donné le Seigneur. Chacun a reçu selon ses capacités, comme le dit le texte. Les possibilités que l'on possède dépendent donc des dons reçus du Seigneur, mais les réalisations dépendent de l'accueil personnel de ces dons dans le domaine de la praxis. Je pense qu'on peut préciser l'analyse à partir de là. Qu'advient-il quand nous posons la question de savoir quel est le ressort essentiel de cette parabole et peut-être est-ce le comportement de ce troisième disciple? Comme je l'ai dit, nous avons affaire à trois disciples et pendant l'absence du maître, les deux premiers doublent le capital, mais le troisième enterre la somme reçue et donc les premiers s'en vont au fond du commerce, gagnent plus d'argent, l'autre s'en va mais creuse un trou et cache l'argent. D'un côté, gain d'un intérêt et de l'autre, pas d'intérêt. La symétrie est presque parfaite. Et donc, comment est-ce qu'on peut analyser ce comportement du troisième disciple qui sera rejeté par le maître ? Et je m'inspire ici d'une interprétation que j'ai lue récemment grâce au conseil d'un collègue, Charles Amiel, fin spécialiste d'histoire des religions, qui a attiré mon attention sur le texte de Armand Puig i Tarrech, un théologien de la faculté de théologie de Catalogne. L'interprétation qu'il donne est la suivante. Le troisième serviteur commence par s'auto-justifier en invoquant un défaut du maître et non pas la raison réelle de sa conduite. Le défaut, c'est que le maître est quelqu'un de dur et donc qui fait peur. La peur est cette excuse qui occulte ce qui est en vérité le paradigme d'existence. Qui, ayant affaire à un maître si dur et si exigeant, oserait prendre des risques ? Qui ne choisirait pas la solution la plus sûre pour être en mesure de restituer intégralement les talents qu'on a reçus? Ce serviteur fait donc appel à l'expérience commune. Il se pose en victime de la dureté du maître puisqu'il a opté pour une conduite correcte et irréprochable lui-même. Il n'a fait que mettre à l'abri ce qu'il a reçu. Tout le monde sait, pense ce troisième serviteur, parfaitement qu'il n'y a pas de moyen plus sûr pour protéger quelque chose que d'enterrer la somme confiée. Le problème est donc posé en termes de sécurité maximale à propos de cet argent reçu au moment de la reddition des comptes. En tout cas, l'habileté de ces serviteurs consiste dans les arguments qu'il évoque à occulter ses motivations réelles sous les dehors d'une auto-justification bien construite. Avec un maître de cette dureté, que faire d'autre sinon assurer la restitution rigoureuse de l'argent? Et c'est ce qu'il fait. Ne s'est-il donc pas montré fidèle, au fond, à son maître? Il a pensé qu'il ferait le mieux possible, paralysé par la peur. Et évidemment, les auditeurs convoqués à l'écoute de cette parabole peuvent penser que le Seigneur va se rendre à ce raisonnement et approuver ce comportement du serviteur, comprenant bien qu'il vaut mieux conserver précieusement une somme que la perdre. Mais non, le maître attend que tout capital produise des intérêts. Le raisonnement du serviteur n'est correct qu'en apparence et il se retourne contre lui. En effet, c'est justement parce que le maître est dur et exigeant qu'il fallait rechercher le gain et non la sécurité, sans attendre un ordre explicite. Et d'ailleurs, le risque était minime, comme la somme confiée elle-même. De toute évidence, le maître n'aurait pas exigé un gain très important. Du coup, l'auditeur qui entend cette parabole en vient à se ranger du côté du maître. Pourquoi il a raison, ce maître? Pourquoi n'avoir pas pris un risque finalement minime pour satisfaire le maître? Le serviteur s'est enfermé de façon stupide dans sa sécurité stérile, alors qu'il aurait pu obtenir un bon résultat au prix d'un effort insignifiant. La décision finale du maître est justifiée dans cette interprétation-là, et donc les auditeurs peuvent approuver la sentence tranchante du Seigneur sur laquelle s'achève la parabole. La parabole présente ainsi aux auditeurs et à nous tous, d'une certaine manière, un modèle qu'il est recommandé d'adopter dans sa propre vie. Ce modèle dit qu'il faut abandonner la sécurité stérile pour le gain avec risque. Retenons ce modèle qui est un peu différent d'un modèle de l'avantage cumulatif et qui dit autre chose qui sera, je pense, dans l'ADN de ce vocabulaire du talent a fortiori aujourd'hui, avec tout ce que ça peut comporter de positif et de négatif. Au cours des 20 dernières années, depuis que l'argument de la guerre des talents a été lancé par la firme de conseil McKinsey et que cet argument a été repris par toute la communauté des cadres et des consultants en gestion des ressources humaines, la notion de talent s'est diffusée dans les organisations. c'est principalement à l'étage des emplois stratégiques, des entreprises, comme on les appelle, mais aussi dans des activités beaucoup plus indépendantes, peu ou pas incorporées dans les organisations ou les entreprises, et dans lesquelles la réussite est statistiquement très incertaine, que les enjeux apparaissent. Des qualités plus décisives sont sollicitées, engagement, inventivité, leadership, sens de la communication, prise de risque. C'est là que le vocabulaire du talent est omniprésent. Ensuite, il s'est diffusé et, quand il devient une monnaie commune, il absorbe des propriétés de hiérarchie en étendant la sémantique à tout le monde, mais en conservant cette sémantique hiérarchique. Le marché des talents s'est développé à l'échelle mondiale pour inclure les flux de talents, c'est-à-dire des travailleurs migrants hautement qualifiés, et, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un véritable talent traffic, traffic au sens de circulation, est apparu dans les zones de forte concentration des travailleurs qualifiés et dans les entreprises qui sont à la frontière de l'innovation, dans ces hubs d'innovation technologique dotés à la fois d'une ingénierie financière et de ressources humaines et financières considérables pour pratiquer l'innovation à grands coûts de capital risque, à commencer par la Silicon Valley en Californie, mais aussi le delta de la Pearl River, appelé aussi Silicon Delta en Chine, avec ses fameuses villes de Shenzhen, de Guangzhou et avec le technopôle de Shangguankun, qui est lui aussi candidat à une comparaison avec la Silicon Valley dans le district de Haidian à Beijing. Je voudrais m'arrêter un instant sur le cas chinois. La Chine devient ou entend devenir une nouvelle frontière dans la guerre des talents. La division internationale du travail, qui plaçait les pays développés du côté de la productivité élevée, des salaires élevés et d'une sécurité élevée, et les pays en voie de développement du côté de la faible productivité du travail et des coûts spectaculairement bas de la main-d'œuvre, peu qualifié, ce scénario de division internationale du travail n'est plus qu'une des composantes d'un scénario qui est rapidement évolutif. D'abord, les coûts de main-d'œuvre et le niveau de formation et de qualification de la main-d'œuvre augmentent quand les pays se développent, évidemment. Ensuite, la compétition par les coûts, maintenant, se double d'une compétition par l'innovation. La Chine demeure certainement l'atelier du monde pour la production industrielle à des coûts de sa main-d'œuvre inférieurs à ceux qu'on peut trouver encore en Occident. Mais la Chine a aussi investi massivement dans les machines, les robots, le capital, qui augmente la productivité du travail. Mais ces machines et ces robots, elle les produit désormais aussi elle-même, et monte en gamme dans sa production de biens à forte valeur ajoutée. Corrélativement, le maître mot de la politique économique chinoise est désormais innovation. Et puisque dans un système de capitalisme autoritaire ou de socialisme capitaliste, la notion de politique économique avec son armature de plans et de leviers de financement public, d'incitation mais aussi de contrôle, n'est pas un vain mot, prenons donc très au sérieux le nouveau plan qui met l'innovation au premier plan, justement. Voici une citation, un ensemble de citations des déclarations de Xi Jinping au 19e congrès national du Parti communiste chinois en octobre 2017. Le texte dit, c'est un texte qui est repris dans un communiqué de presse et qui relate fidèlement, on peut en être assuré, qui relate fidèlement les paroles du président, désormais sur la voie d'être président à vie. L'innovation, c'est la force principale qui conduit ou qui stimule le développement. Et c'est une stratégie qui doit soutenir la construction d'une économie modernisée. Le texte est ici, je le traduis rapidement. Nous allons soutenir la recherche fondamentale et dans les sciences et les sciences appliquées, lancer des grands programmes de recherche scientifique et technologique, faire de l'innovation une priorité dans les technologies génériques, dans les technologies de frontières. Il a appris le vocabulaire standard de l'économie de l'innovation, dans les technologies d'ingénierie et dans les technologies disruptives. On pourrait transposer ce texte dans un discours d'un président d'une des nations d'Europe ou d'Amérique. Et donc, il énumère ensuite les secteurs dans lesquels tout ça va se passer, en mentionnant aussi ici les questions de propriété intellectuelle, de création, de protection et de mise en œuvre de la propriété intellectuelle qui est une des conditions d'innovation. Je vais y revenir parce que c'est un point intéressant. Et évidemment, il faut de la main-d'œuvre, des top-notch scientists, technologists, dans les champs ou dans les domaines stratégiquement importants. Et il nous faut des leaders, des young scientists, engineers and high-performing innovation teams. Nous en avons besoin. Donc c'est un vocabulaire à la fois englobant, l'innovation est un objectif commun qui doit guider le pays et la nation tout entière sur la voie d'une croissance continue. Et c'est en même temps un vocabulaire qui appelle à des caractéristiques typiques d'attractivité et de hiérarchisation de la main-d'œuvre par des leaders et des gens qui sont à la frontière, c'est-à-dire au sommet à la pointe de la recherche. Ce texte, j'en ai entendu un écho ensuite dans un colloque auquel j'ai assisté à Singapour en novembre, donc un mois après le congrès du Parti communiste chinois. Et je voudrais vous présenter quelques slides du professeur Mu, qui est de l'Académie des sciences de Chine, donc quelqu'un qui fait de la recherche dans un cadre très officiel et qui a une parole autorisée pour parler de la Chine et de ce qui s'y passe, et qui reprend assez fidèlement les objectifs énoncés par le président Xi Jinping avec un timing qui est très simple. En 2020, nous allons être un pays innovateur. Avant 2030, nous serons un pays leader en matière d'innovation et en 2050, nous dominerons le monde en matière de science et de technologie. Voilà les trois buts stratégiques pour accomplir la modernisation socialiste de la Chine. À bon entendeur, salut. Évidemment, la stratégie ensuite repose, je continue à emprunter, à mon collègue chinois, j'espère qu'il n'y verra pas d'inconvénient, la stratégie consiste à ensuite décomposer le principe en une série de zones d'expérimentation. Les Chinois font beaucoup ça, ils expérimentent par zone, ce qui a été adopté dans une zone et qui a fonctionné peut être étendu. Et donc on énumère toute une série d'objectifs, des agglomérations expérimentales, des laboratoires, des entreprises qui seront moteurs de cette politique d'innovation. Voilà la stratégie qui a été définie et qui est mise en œuvre et qui avance. Ensuite vient, et c'est là que je veux en venir, le vocabulaire du talent. Nous allons développer le talent, dit la Chine. J'aurai quelque chose à dire sur le problème de traduction, mais qui dit talent dit évidemment formation, introduction, utilisation, flux de talents, emploi des talents, service d'entrepreneuriat, donc toute la panoplie y figure. Et avec des incitations fiscales et des systèmes de financement qui vont avec. Autrement dit, un talent, ça n'est pas une simple addition de mérite ou d'efforts et de et de capacité, c'est une écologie, évidemment. Et les mesures sont énumérées ici pour favoriser ce développement du talent. Ensuite vient la question de comment est-ce que nous allons faire. Et les Chinois pratiquent évidemment exactement ce qu'ils ont eux-mêmes fait, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en exportant leurs étudiants pour les faire former dans les meilleures universités américaines. Comme je l'ai montré l'année dernière, les chiffres sont très impressionnants. Maintenant, je retourne l'argument et je regarde ce qui se passe quand la Chine veut faire une politique d'innovation. Eh bien, elle dit, nous allons attirer ces étudiants remarquables du monde, des outstanding students, et leur permettre ensuite de trouver un emploi et de devenir entrepreneurs. C'est ce qui est dit ici. Voilà, ça c'est le, évidemment, c'est l'objectif. Et pour le réaliser, il faut évidemment, et ça se passe dans cette zone, donc comme je l'ai dit, la politique se décline par des zones d'expérimentation. Donc il faut favoriser l'entrée de ces étudiants, leur permettre d'avoir des visas et des autorisations de résidence, toute cette administration des flux de talents qui n'est pas un vain mot. Pensez à ce qui s'est passé lorsque Donald Trump a commencé à bloquer l'immigration, à la rendre très sélective et beaucoup plus et à la réduire. Les premières à protester étaient les entreprises de la Silicon Valley. Et effectivement, elles font un usage considérable des fameux talents qui forment les flux migratoires dans le personnel qualifié. Et la restriction de visa est devenue un sujet de débat politique et économique considérable. Et ici, c'est symétrique. Pour fonctionner, il faut évidemment faciliter l'entrée et la résidence de ces talents. Donc, et aussi leur permettre d'exprimer leur fameux talent, c'est-à-dire de démarrer des business. Si vous êtes simplement formé et que vous ne faites rien de plus, la Chine aura simplement été un sous-traitant de formation supérieure sans en tirer les bénéfices. Elle veut en tirer les bénéfices, comme les États-Unis ont tiré un certain nombre de bénéfices de la présence des étudiants, notamment asiatiques, qui ont la particularité d'être extraordinairement travailleurs et pas simplement bien formés ou désireux de réussir. Leur esprit entrepreneurial est plus développé que la moyenne des natives américains. Alors ensuite, on décompose l'argument pour dire voilà comment ça va se passer à Shanghai. Et avec toutes les mesures qu'on prend, visa, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une zone de démonstration. Shanghai va devenir une zone de démonstration, y compris pour du free trade zone, des zones franches, comme on dit. Et donc la technologie est la même que celle qu'on connaît en Europe ou ailleurs. Et on facilite cette entrée. Évidemment, à l'échelle de la Chine et du 1,5 milliard d'habitants, l'effectiveness dans cette politique actuelle, c'est 81 étudiants. C'est pas beaucoup. Mais l'intention existe. Et puis ensuite, on regarde ce qui peut se passer à Guangdong. Le schéma est le même. Et là, en revanche, l'expérimentation montre que ça marche beaucoup mieux. Donc, c'est intéressant d'expérimenter dans différentes zones pour pratiquer une analyse des facteurs de réussite ou d'amplification des mesures qui fonctionnent ici et qui ne fonctionnent pas ailleurs. Ici, ce sont 7500 étudiants étudiants étrangers qui ont la possibilité de résider. Pardon, pas étudiants. Maintenant, ce sont des talents, donc des experts. Ça, c'est l'autre, c'est le vocabulaire qui, l'expertise est associée au talent. Et là, on a une politique qui est donc devenue relativement active. Encore une fois, à l'échelle chinoise, c'est microscopique. Mais ça existe. Et vous voyez ici la même chose à Shanghai, avec moins de réussite. Ici, on n'a que 206 ou 331 high-level foreign talents qui ont eu une permission de développer du business en Chine. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger. Qu'est-ce que le talent, élément de physique sociale des différences et des inégalités ? Aujourd'hui, introduction. Un point tout à fait essentiel, comme je le disais, pour comprendre ce que c'est que la construction d'une politique centrée sur l'innovation et les talents, c'est d'avoir des systèmes juridiques qui garantissent les bonnes incitations et la bonne protection des découvertes. Et le schéma classique, c'est celui de la politique des brevets. Tant que la croissance chinoise reposait sur la spécialisation dans la production industrielle à faible valeur ajoutée et à fort volume d'exportation, les technologies pouvaient être acquises par imitation, et ils ne s'en sont pas privés, et sans grand souci des protections intellectuelles et de la propriété intellectuelle. Mais si les talents chinois veulent passer de l'imitation à l'invention et dominer le monde en science et en technologie et enrichir leur croissance en innovation de manière pérenne, les brevets deviennent évidemment tout à fait nécessaires. Et c'est ici le mécanisme qui est décrit, nécessaire à la fois en termes de protection, mais aussi en termes d'efficacité. La vitesse, fast track, pour examiner, acquérir et imposer le respect des brevets. Voilà l'idée, avec des objectifs chiffrés pour réduire les délais de quelques mois à 7 à 10 jours pour résoudre les conflits autour des brevets. Voilà le genre de mesures qui sont très, très, très pratiques, mais qui sont très décisives, évidemment, pour produire cette écologie, pour l'inventer, cette écologie. Et comme les Chinois ont le sens de l'efficacité, ce facteur temps joue un rôle tout à fait essentiel, d'où cette idée de fast track. Il y a un petit livre qui m'avait beaucoup frappé de Guillaume Poitrinal, un chef d'entreprise qui a quitté sa grande entreprise Unibail Rodamco pour fonder une entreprise qui construit des maisons de bois. Et il avait écrit un livre qui s'appelle « Plus vite ». Et dans lequel il détaillait les coûts de la longueur des procédures et cette concurrence invisible qui se trame à travers la longueur des procédures. La Chine sait faire vite, du moins elle s'est décidée de faire vite. Et le livre de Guillaume Poitrinal racontait l'histoire du projet autour de la construction de ce qu'on appelle l'Opéra de Pékin, mais en fait c'est le Centre National des Arts du Spectacle, qui est un bâtiment très grand de 150 000 m² avec une salle d'opéra, une salle de concert, toutes de plus de 2000 places, et un théâtre de 1000 places, qu'on appelle aussi l'œuf, parce qu'il a une forme d'œuf. Le lauréat du concours était Paul Andreu, un architecte français. Il avait remporté le concours, les résultats étaient, de mémoire, je crois, proclamés un vendredi, et Paul Andreu s'est dit « je repars en France pour attendre le moment du déclenchement du chantier après que toutes les autorisations auront été obtenues ». Et les Chinois lui ont dit « non, non, restez donc ». Et le lundi, tous les responsables administratifs étaient convoqués pour signer, séance tenante, la totalité des autorisations nécessaires. C'est le fast track. Et le livre de Guillaume Poitrinal détaille, par des comparaisons assez douloureuses, la situation un peu équivalente dans un certain nombre de pays où le multiplicateur de temps est pas de quelques jours, mais de quelques années. Donc il y a là quelque chose, il y a un souci. Lui-même, d'ailleurs, Guillaume Poitrinal avait été associé au groupe d'experts qui était chargé de la simplification administrative sous la présidence de François Hollande. Mais je crois qu'il a quitté depuis ce groupe et que peut-être cette mission de simplification administrative soit s'est diffusée dans les artères de la totalité de l'administration, soit s'est évaporée. En tout cas, ici, l'objectif, c'est accélérer les dépôts de brevets et la gestion des litiges. Je pense que Benjamin Franklin, qui disait « Time is money », aurait approuvé « Time is innovation friendly ». Le temps, ça compte aussi dans l'innovation. Et pour le démontrer, je cite ici des données récentes compilées par The Economist. qui montre quel est le dépôt, les demandes de brevets internationaux entre 2000 et 2016. La France est ici, la courbe est un peu plate, la Grande-Bretagne est un peu plus bas encore, nous sommes en compagnie, mais pas en très bonne situation. Le Japon est extraordinairement actif en dépôt de brevets. Le Japon est probablement un pays qui est passé sous les radars de la visibilité internationale à cause de ses problèmes financiers, mais il a une intensité de recherche et de développement tout à fait exceptionnelle. Et la Chine, vous voyez, les États-Unis continuent à être leader, mais la Chine grimpe. Et donc le plan de M. Xi Jinping pour dominer le monde de la recherche en Chine n'est pas irréaliste. Si l'on regarde les courbes et si on se fie aux chiffres, on voit effectivement que le décollage a lieu et que ce décollage a lieu notamment, comme je l'ai dit déjà, on peut le localiser dans un certain nombre de zones, comme Shenzhen est certainement une zone majeure. Il y a en Chine une économie d'agglomération, comme on dit, c'est-à-dire une masse critique d'industrie, de personnel qualifié, d'énergie entrepreneuriale et, comme on dit, de talent qui se concentre pour développer ces innovation hubs. Alors la question des revenus est un peu différente parce que là, il faut un marché mondial. Et là, pour le coup, la Chine a vraiment des progrès à faire. Vous voyez, en termes de revenus de la propriété intellectuelle, IP, c'est Intellectual Property, vous voyez que la Chine est encore très bas, donc le chemin est long. Les protections juridiques et les incitations financières et juridiques sont maintenant mises en place, mais le chemin est long pour faire rendre à cette inventivité chinoise son plein produit financier en termes de dollars et devenir exportateur de connaissances, de découvertes et d'innovations brevetées. Donc c'est le plan. Mais l'innovation n'est pas qu'affaire de plan. Pas plus que l'attraction des talents et l'écosystème de leur éclosion ne se planifie facilement. L'économiste de l'université de Yale, Fabrizio Zilibotti, dans un article récent intitulé « Growing and Slowing Down Like China », qui est paru dans le Journal of the European Economic Association en 2017, et sur lequel mon collègue Philippe Aguillon a attiré mon attention ces derniers jours, et je suis toujours ravi d'apprendre, même à la dernière minute, a détaillé les facteurs du mouvement de la Chine vers une stratégie de croissance fondée sur l'innovation. La croissance économique de la Chine avait été, je l'ai dit, fondée jusque-là sur une très forte politique d'investissement. Autrement dit, acheter du capital, constituer du capital de machines, de robots, etc. Et sur la réallocation des ressources entre les secteurs, il y a un mouvement considérable de population entre les zones rurales et les zones urbaines, on le sait bien, et un mouvement du secteur primaire au secteur secondaire et maintenant au secteur tertiaire. La tertiarisation de l'économie est en marche en Chine aussi. Et une réallocation des ressources aussi entre les entreprises au sein d'un secteur. Et cette politique d'investissement avait été fondée sur l'adoption de technologies inventées à l'étranger. L'Allemagne avait trouvé là un débouché exceptionnel. Cette politique et ses plans successifs ont effectivement favorisé une croissance qui était tirée par l'investissement et ces plans se sont révélés extrêmement efficaces pour faire décoller la Chine et la doter d'une croissance très élevée pendant 3 décennies. Mais les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, en tout cas pas sur un seul terreau. Et avec le développement croissant du pays, note mon collègue Zilibotti, donc de l'université de Yale, ce moteur des investissements a perdu progressivement de sa puissance. Les taux de croissance se sont mis à plafonner à partir de 2012, la profitabilité des investissements a baissé et la croissance de la productivité a baissé aussi. Et dans un modèle qu'ils avaient mis au point quelques années auparavant, les économistes Acemoglu, Zilibotti et mon collègue Philippe Aguillon du collège avaient prédit que le potentiel de croissance d'une économie tirée par les investissements faiblit. Et quand ce potentiel faiblit, un autre moteur doit être allumé, au lieu d'acheter simplement des équipements et d'adopter des technologies, il faut tout simplement inventer et innover et produire les technologies et les machines du présent et du futur. Et c'est exactement ce que contient ce document qui résume la stratégie nationale de développement fondée sur l'innovation, dont je vous donnais un aperçu dans ces diapositives du discours du président Xi, et Xi Jinping, et de l'académicien, le professeur Mou. Mais, demande aussi Fabrizio Zilibotti, une telle stratégie peut-elle réussir avec les institutions politiques et économiques actuelles de la Chine? La question est redoublée par le récent tournant imprimé par le président chinois et son équipe dirigeante vers une réaffirmation vigoureuse de la ligne marxiste-léniniste du socialisme chinois et vers une critique de tous les tropismes occidentaux dans la culture et les comportements chinois. Or, il se trouve que l'innovation exige que l'esprit entrepreneurial bénéficie de la protection accordée aux investisseurs sur leurs investissements dans l'innovation et sur le recours au capital risque. Et l'innovation exige un équipement juridique des marchés et des relations concurrentielles sans lequel la compétition, par exemple entre un nouvel entrant et une firme déjà en place, mais qui se sentirait menacé et qui en appellerait par exemple à l'arbitrage de la section locale du PC chinois pour agir en sa faveur, faute de cet équipement juridique, l'initiative entrepreneuriale serait découragée. Les régulations juridiques peuvent évidemment engendrer des coûts de transaction. Dans l'augmentation, ces coûts sont auto-entretenus par la prolifération des entreprises. Mais on voit aussi que le sous-équipement juridique des marchés contrarie un scénario de croissance qui est fondé sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Ce scénario est plus exigeant en liberté des acteurs et des citoyens que la politique de croissance qui est fondée sur l'investissement piloté d'en haut. Pour revenir quelques siècles en arrière, la philosophie des Lumières en Europe croyait dans un progrès fondé sur la raison, le talent, la justice, l'égalité, la vertu et la démocratie délibérative. Le couple innovation-talent et le bannissement de l'imitation au bénéfice de l'innovation figurent en toutes lettres dans le credo de la philosophie des Lumières à travers cette complémentarité entre talent et créativité que j'avais explorée l'an dernier. Le scénario chinois de croissance par l'innovation pourrait certainement y chercher des sources d'inspiration. Dans un article récent sur la question du talent management en Chine, deux chercheurs, Liu et Pearson, ont noté que la notion de talent et de management des talents se diffuse assurément en Chine, notamment à la faveur de la présence des firmes multinationales qui y sont implantées, mais qu'il y a un défaut de consensus sur ce qu'est le talent. En Chine aussi. Je vais y revenir tout à l'heure encore. Mais ce problème est redoublé par des questions de traduction et de barrières linguistiques et sémantiques qui contrarient l'importation directe de la notion. Et la conclusion de leur étude indique ceci: les entreprises et organisations chinoises sont sur la voie d'adopter des approches occidentales sophistiquées de talent management, mais dans une perspective limitée, car les particularités culturelles sont fortes. Et dans leur enquête qui procédait par questionnaire, les auteurs de cette étude employaient des termes tels que « talented pools » ou « pools of talent » qui sont totalement inusités en Chine. Et comme ils le disent, le succès très relatif de leur enquête peut peut-être s'expliquer par des barrières de langage, sans doute davantage que par des questions de méthode. En tout cas, ils peuvent se justifier ainsi. Je voudrais rappeler ici que la diffusion internationale du vocabulaire du talent bénéficie d'une propriété tout à fait remarquable, qui est la forte stabilité du terme dans beaucoup de langues, notamment indo-européennes. Le talent se dit de la même manière, ou presque de la même manière, dans les langues suivantes. C'est une énumération assez plaisante. Le mot talent figure tel quel, en français, en anglais, en allemand, en catalan, en macédonien, en roumain, en tchèque, en slovène, en polonais, en norvégien, en danois, en néerlandais, en maltais, en kurde, en gallois, en estonien, en albanais, en afrikaans. Je ne suis pas aussi savant que Claude Agege, mais j'ai fait fonctionner un moteur de recherche et de traduction. Merci, Translate Google. En malgache, c'est talenta. En lituanien, c'est talentas. En somali, c'est talenti. En espagnol, en italien, en grec, en portugais, c'est talento. En espéranto, c'est talenton. En corse et en basque, talentu. Donc, les automistes talentueux s'y retrouveront. Talenat en arabe et en serbe et en bosniaque, talient en biélorusse, talent en russe, en arménien, en bulgare, en kirghize, en kazakh, en gaélique ou en yiddish, talent en letton, talan en irlandais, talang en suédois, italente en zoulou et taleni en samoan. C'est une énumération qui n'est pas simplement anecdotique, mais qui dit quelque chose. Pour qu'un vocabulaire ait des chances de s'implanter, il faut qu'il soit effectivement doté de certaines propriétés. Et visiblement, le vocabulaire du talent a une aptitude, pour solliciter une des dimensions qui est contenue dans le terme même de talent, une aptitude à la globalisation. En revanche, la barrière linguistique apparaît beaucoup plus haute avec les langues arabes et asiatiques, et crée effectivement des difficultés de mise en équivalence sémantique. Mais comme vous l'avez vu dans la présentation en anglais du professeur Mou, qui est chinois, le talent était redevenu une monnaie universelle. Ce mot est donc linguistiquement apte à une très vaste circulation, mais que veut-il donc dire ? Depuis que ce vocabulaire s'est répandu, et vous avez vu qu'il s'est répandu de mille manières dans les organisations et les entreprises, invariablement, on se plaint ou bien on se contente de constater que le talent, qui est une notion si utile, est pourtant impossible à définir. Et en même temps, la notion a été incorporée ou le label a été incorporé dans les entreprises et dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines. On comprend alors évidemment l'impatience, l'irritation ou l'obstination des consultants et aussi des académiques qui cherchent à vaincre cet obstacle de la définition. Et l'on comprend aussi l'ironie des imprécations critiques qui pourfendent les sophismes contenus dans le vocabulaire du talent. Je vais y revenir tout à l'heure. Et plus haut encore dans l'escalade critique, on situera cet argument constructionniste qu'on connaît bien en sciences sociales, selon lequel ces notions ne feraient que flouer le monde en célébrant la richesse d'un certain monde, en naturalisant des inégalités ou en acclimatant une méritocratie devenue une idéologie indolore. Il est vrai que le talent est fortement associé désormais à des activités qui ne bénéficie pas directement de l'anoblissement culturel des arts et des sciences, où ce vocabulaire a beaucoup circulé, et dans lesquels non seulement les écarts de réussite sont considérables, je veux dire dans les arts et les sciences, mais aussi dans lesquels, en tout cas dans les entreprises où il est acclimaté, les gains matériels, monétaires, attachés à la réussite, sont eux devenus stratosphériques. Je pense aux revenus des dirigeants et des cadres dirigeants des grandes entreprises qui dominent le monde de l'innovation et le monde économique tout court en termes de capitalisation boursière, les GAFAM, ces entreprises qui entretiennent d'ailleurs volontiers la légende du talent parce qu'elles sont réputées, ces entreprises et leurs dirigeants, sortir tout droit de l'inventivité de quelques étudiants et ingénieurs bricoleurs malin, chanceux et obsessionnel, exactement les ingrédients du mérite. Le marché de l'emploi dans les secteurs supérieurs des activités très qualifiées est aujourd'hui un marché qui est fortement intermédié. Les cabinets de conseil en recrutement et en gestion des talents voient leur marché se développer à mesure que se développent les recrutements externes pour les emplois supérieurs, ces recrutements qui concurrencent les processus ascendants de carrière au sein des entreprises dans ce qu'on appelle des marchés internes. Le management du talent répond à cette pression exercée par la compétition entre les employeurs pour se procurer les salariés réputés les plus productifs. Comme le dit symptomatiquement le lexique de ces cabinets de recrutement et de chasseurs de tête, il y a toujours pénurie de talent pour les positions les plus stratégiques. Mais on voit bien que c'est une rareté par essence purement relative. C'est la rareté qui est provoquée par le déséquilibre de concurrence entre l'offre et la demande. C'est la rareté attachée au déséquilibre aussi entre des secteurs d'activité diversement attractifs et diversement rémunérateurs, parmi lesquels l'informatique et les technologies numériques et aussi les activités de conseil qui accompagnent la transition numérique supplantent la finance désormais dans le haut du palmarès. Et cette rareté est évidemment suscitée par la concentration de la demande sur un petit nombre d'individus réputés supérieurement productifs, ce qui attire sur eux une attention et des enchères ou des surenchères salariales qui sont disproportionnées au regard de ce qui sépare ces individus de celles et ceux qui sont jugés un peu moins talentueux, mais qui sont situés dans des classements ordinaux en rang, qui transforment ces classements ont pour propriété de transformer des différences en quantité. Les mérites respectifs des recrutements externes et des carrières internes sont un sujet de recherche empirique important, sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais la publicité qui est faite aux talents et à cette main-d'œuvre qui paraît idéalement mobile soutient certainement le marché des prestations des consultants et donc la propagation du vocabulaire. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 2 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Minger, « Qu'est-ce que le talent ?» Élément de physique sociale des différences et des inégalités, aujourd'hui, introduction. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Ghislaine David, présentation Meryl Meneghetti, iconographie du site web claire.signon. Demain, nous poursuivrons notre exploration générale des enjeux et des paradoxes de la notion de talent en compagnie de Pierre-Michel Minger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.